Chapitre 16 du livre d'Esther, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Note du traducteur. Copie de la lettre que le roi Artaxerxès envoya en faveur des Juifs dans toutes les provinces de son royaume, laquelle lettre ne se trouve point non plus dans le texte hébreu. Fin de la note. Le grand roi Artaxerxès, qui règne depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, au chef et au gouverneur des 127 provinces qui sont soumises à notre empire, salut. Plusieurs ont abusé insolemment de la bonté des princes et de l'honneur qu'ils en ont reçu. Et non seulement ils s'efforcent d'opprimer les sujets du roi, mais ne pouvant supporter la gloire dont ils ont été comblés, ils tendent des pièges à ceux-mêmes qui la leur ont accordée. Et ils ne se contentent pas de méconnaître les grâces qu'on leur a faites et de violer eux-mêmes les droits de l'humanité, mais ils s'imaginent aussi qu'ils pourront se soustraire à la justice de Dieu qui voit tout. Et leur présomption passe à un tel excès que, s'élevant contre ceux qui s'acquittent avec soin de leurs fonctions, et se conduisent de telle sorte qu'ils méritent la louange de tous, ils tâchent de les perdre par des artifices de leurs mensonges, surprenant par leur déguisement et par leur adresse la bonté des princes qui jugent les autres d'après leur propre nature. Ceci est confirmé par les anciennes histoires, et on voit encore tous les jours combien les bonnes inclinations des rois sont souvent altérées par de faux rapports. C'est pourquoi nous devons pourvoir à la paix de toutes les provinces. Et si nous ordonnons des choses différentes, vous ne devez pas croire que cela vienne de la légèreté de notre esprit, mais plutôt que nous formulons nos ordonnances selon la diversité et la nécessité des temps, suivant que le demande le bien public. Et pour vous faire connaître ceci plus clairement, nous avions auprès de nous l'étranger Aman, fils d'Amadati, macédonien d'inclination et d'origine, qui n'avait rien de commun avec le sang des Perses et qui a voulu déshonorer notre clémence par sa cruauté. Et après que nous lui avions donné tant de marques de notre bienveillance, jusqu'à le faire appeler notre père et à le faire adorer de tous comme le second après le roi, il s'est élevé à un tel excès d'insolence qu'il a tâché de nous faire perdre la couronne et la vie. Car, par des machinations nouvelles et inouïes, il avait tenté de perdre Mardochée, grâce à la fidélité et au bon service duquel nous vivons, et Esther, la compagne de notre royaume, avec tout leur peuple, pensant qu'après les avoir tués, il nous tendrait des embûches dans notre isolement et ferait passer aux Macédoniens l'empire des Perses. Mais nous avons reconnu que les Juifs, qui étaient destinés à la mort par le plus méchant des hommes, n'étaient coupables d'aucune faute, mais qu'au contraire ils se conduisent par des lois justes, et qu'ils sont les enfants du Dieu Très-Haut, Très-Puissant et Éternel, par la grâce duquel ce royaume a été donné à nos pères et à nous-mêmes, et se conserve encore aujourd'hui. C'est pourquoi sachez que les lettres qu'il vous avait envoyées en notre nom sont nulles. À cause de ce crime dont il a été l'instigateur, il a été pendu avec tous ses proches devant la porte de cette ville, c'est-à-dire de Suse, Dieu lui-même et non pas nous l'ayant traité comme il l'a mérité. Que cet édit que nous vous envoyons maintenant soit affiché dans toutes les villes, afin qu'il soit permis aux Juifs de garder leurs lois. Et vous devrez leur prêter secours, afin qu'ils puissent tuer ceux qui se préparaient à les perdre le 13e jour du 12e mois, appelé Adar. Car le Dieu Tout-Puissant a changé pour eux ce jour de tristesse et de deuil en un jour de joie. C'est pourquoi mettez aussi ce jour au rang des jours de fête, et célébrez-le avec toutes sortes de réjouissances, afin que l'on sache à l'avenir que tous ceux qui obéissent fidèlement aux Perses reçoivent une récompense digne de leur fidélité, mais que ceux qui conspirent contre le royaume périssent pour leurs crimes. Et que toute province et toute ville qui refuserait de prendre part à cette solennité périsse par le glaive et par le feu, et qu'elle soit tellement détruite qu'elle demeure inaccessible à jamais, non seulement aux hommes, mais aux bêtes même, comme un exemple de désobéissance et de mépris. Fin du chapitre 16. Fin du livre d'Esther, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion de la Compagnie de Saint-Sulpice.